Votre émission en balado débutera après ce court message publicitaire. Ici Radio-Canada Première. Les balados sont écoutés par des personnes dynamiques, ouvertes d'esprit, qui savent à chaque moment ce qu'elles veulent. Tout comme vous, les employés du cabinet comptable Mallette les écoutent. Venez vous joindre à nous, comme clients, comme employés. Vous savez comment nous trouver. Mallette comptable. Votre émission en balado débute dans 3, 2, 1... Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire L'abbé Pierre, une vie entière à lutter contre la pauvreté et l'exclusion. Pour les chiens qui crèvent dehors, il y a une fourrière. Est-ce que pour nos frères et nos sœurs, il n'y aura rien? Les asiles sont pleins, nous a-t-on dit. Il faut que nous fassions quelque chose, tout de suite. Ce n'est pas possible que nous dormions tranquilles pendant qu'ils meurent dehors. Le 1er février 1954, alors qu'un froid intense et inhabituel s'abat sur la France, l'abbé Pierre y va d'un véritable cri du cœur pour que l'État mobilise les ressources nécessaires pour sortir de la rue ces milliers de sans-abri menacés d'y mourir de froid. Cet appel de février 1954 va passer à l'histoire. L'État français va débloquer 10 milliards de francs à l'époque pour la création de 12 000 logements d'urgence partout en France. Mais au-delà de cet appel de février 1954, le parcours singulier du père fondateur du mouvement Emmaüs, prêtre résistant durant la Deuxième Guerre mondiale et prêtre député au sortir de cette même guerre, fera bientôt de lui une véritable légende. Mes amis, au secours! Une femme vient de mourir gelée cette nuit à 3 heures. Sur le trottoir du boulevard Sébastopol, serrant sur elle le papier par lequel, avant-hier, on l'avait expulsée. Chaque nuit, ils sont plus de 2000 recroquevillés sous le gel, sans toit, sans pain, plus d'un presque nu. Devant tant d'horreur, les cités d'urgence, ce n'est même plus assez urgent. Écoutez-moi. En 3 heures, 2 premiers centres de dépannage viennent de se créer. L'un sous la tente, au pied du Panthéon, rue de la Montagne Sainte-Geneviève. L'autre à Courbevoie. Ils regorgent déjà. Il faut en ouvrir partout. Il faut que ce soir même, dans toutes les villes de France, dans chaque quartier de Paris, des pancartes s'accrochent sous une lumière dans la nuit, à la porte de lieu où il y ait une couverture, paille, soupe, et où on lise sous ce titre « Centre fraternel de dépannage » ces simples mots. Toi qui souffres, qui que tu sois, entre, dors, mange, reprends espoir, ici on t'aime. L'abbé Pierre, qui reprend le 4 octobre 1993 son fameux appel du 1er février 1954, dont il n'existe aucun enregistrement sonore authentique. Ce que vous entendiez au tout début de l'émission, en fait, c'est l'abbé Pierre qui reprenait lui-même, pour les fins du tournage d'un film d'actualité, des extraits de cet appel de 1954, dans le cadre de ce tournage donc qui relatait cet épisode de l'appel de 1954. Pour nous présenter le parcours étonnant, inspirant aussi de l'abbé Pierre, je reçois Catherine Foisy, qui est professeure au département de sciences des religions de l'Université du Québec à Montréal. Catherine Foisy, bonjour. Bonjour, Jacques. Pendant des années, Catherine Foisy, l'abbé Pierre se classait toujours au premier rang des palmarès qui demandent aux Français quelles sont les personnalités que vous aimez le plus. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que les Français ont si longtemps et tant aimé cet homme-là? À la fois, je dirais, une simplicité, la grande capacité d'action, de transformation de la société et le fait que ce soit un homme qui se soit toujours battu pour ses convictions profondes. Mais vraiment pas juste d'un point de vue intellectuel ou d'un point de vue politique ou légal, mais réellement d'un point de vue très concret, oui. D'assistance aux plus démunis de la société. Donc ça, les Français étaient inspirés finalement par l'agir de cet homme-là. Quelqu'un qui portait une parole, mais plus que ça, une parole à laquelle est associée un geste, une action. Oui. Ça, c'était essentiel pour lui. Central. Ouais. On va commencer par le début. Parlez-nous un petit peu de lui, de l'abbé Pierre. De quel milieu est-il originaire? Il naît à Lyon en 1912. À quel milieu il appartient, l'abbé Pierre? Il appartient au milieu bourgeois. Son père dirige les fonderies lyonnaises et il va très rapidement être marqué par le pôle, je dirais, spiritualité et engagement. Donc, la religion catholique est très importante dans sa formation initiale. Et aussi, il est témoin le dimanche de son père qui va servir les repas, qui va couper les cheveux des mendiants, d'une cinquantaine d'hommes comme ça à Lyon. Et ça, ça va marquer l'abbé Pierre. Ouais. L'exemple qu'il a devant lui, c'est cet homme, ce bourgeois, ce père bourgeois, mais attentif aux exclus, justement. Tout à fait. Ouais. Qu'est-ce qui l'amène, cela dit, tout à coup, à un moment donné, à dire « Tiens, j'entre en religion ». En fait, c'est réellement un processus. C'est un homme qui va, l'abbé Pierre, il va d'abord devenir Henri Grouet, de son nom d'origine, va être scout, où il va être nommé, entre autres, castor méditatif. C'était son totem. Je pourrais revenir sur ça un peu plus tard. Mais en 1927, dans le fond, il découvre qu'il est appelé à la vocation religieuse lors d'un pèlerinage, d'abord à Rome, mais surtout à Assise. Et là, il va être très marqué par la figure de Saint-François d'Assise, ce qui va faire en sorte qu'à l'âge de 19 ans, en 1931, il va rentrer chez les Capucins. Mmh. Et donc, il va poursuivre une formation durant 8 ans chez les Capucins, il va devenir prêtre en 1938 et en 1939, demande à sortir de l'ordre des Capucins, non pas parce qu'il n'a pas aimé cette période-là, au contraire, c'est une période de sa vie qui va finalement construire toute une solidité sur le plan spirituel, sur le plan de la prière, mais c'était un homme qui était, son totem le disait, scout, castor méditatif, donc toujours à la jonction entre la dimension contemplative et la dimension de l'action dans le monde. En fait, il a besoin, il va trouver, puis ça va le suivre toute sa vie chez les Capucins, cette dimension contemplative, la prière contemplative, et ça va servir l'homme d'action, mais c'est aussi, on y revient, un homme d'action. Il ne peut pas rester chez les Capucins à l'extérieur du monde. C'est pour ça qu'il décide de partir. Non, il décide de partir parce qu'il voit bien que c'est limité, même aussi sur le plan de la formation, moi, intellectuel, sur le plan de l'action, de l'agir, de la transformation du monde. Cet évangile-là, il n'est pas capable finalement de ne vivre que la dimension contemplative. Et là, il entre, c'est la guerre qui arrive, la guerre qui va changer la vie de tout le monde, de tous les Français, d'une bonne partie des Européens. Ça va changer sa vie à lui aussi. Il entre dans une période complètement fascinante. Il devient, entre autres, résistant. Parlez-moi du rôle qu'il va jouer pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ben, alors, assez rapidement, il est mobilisé, mais il est démobilisé au cours de l'année 1940 parce que, bon, il est plutôt de santé fragile. Et à partir de ce moment-là, ben, il va commencer à entrer dans un réseau de résistants et il va à la fois permettre à des jeunes Allemands qui ne veulent pas faire partie du service de travail obligatoire, le STO, de passer vers la France dans des maquis. Il va également créer à même son lieu de vie, pouvoir faire des pièces d'identité pour des Juifs. Des faux papiers. Oui, tout à fait, pour leur permettre de passer par les Alpes et puis ensuite d'entrer sur la Suisse. Et donc, c'est un homme qui met en place des équipes et qui va également, durant ce contexte-là, en 1942, rencontrer Lucie Coutaz, qui va devenir finalement la cofondatrice également de sa grande œuvre, Les Compagnons d'Emmaüs. Ouais. Et en 1944, il rencontre le général de Gaulle parce que ses chefs de la résistance lui demandent de se rendre à Alger et donc pour sa propre sécurité et pour poursuivre le travail. Donc, c'est pour la partie, là, je dirais, de son engagement comme résistant. Mais l'engagement va se poursuivre parce qu'après avoir rencontré de Gaulle à Alger, il décide, ça non plus, c'est pas rien, c'est assez exceptionnel. Un curé résistant, un prêtre résistant qui devient prêtre député. Il va être député quoi, 7-8 ans? Environ. Qu'est-ce qui fait qu'il décide de s'engager dans l'action politique? Bien, il décide de s'engager dans l'action politique parce que, bon, premièrement, il y a un enjeu pour la défense des résistants eux-mêmes. C'est un homme aussi qui va militer durant ces années-là comme députée pour la reconnaissance de l'objection de conscience. Et donc, ça va prendre beaucoup de temps avant que les lois changent en France et qu'on puisse permettre finalement une forme de service civil plutôt qu'un service militaire obligatoire pour les gens qui ne veulent pas entrer dans un processus de guerre. Et il va également beaucoup promouvoir les idées fédéralistes, pas tant au niveau français qu'au niveau européen, ouais. Au niveau international. Donc ça, c'est réellement, et même une perspective supranationale, ouais. Qui ne passe pas par l'Organisation des Nations Unies, mais qui passe par des formes d'assemblée constituante des peuples, entre autres. Ouais. Donc on a là affaire un peu à une sorte d'altermondialiste avant l'heure. Sa carrière politique se termine à un moment donné, il n'est pas réélu, et en 1949, sa vie tout à coup va à nouveau être complètement bouleversée. Il va faire une rencontre qui va être déterminante pour lui. Racontez-moi ce qui se passe à ce moment-là. En fait, il est appelé à aller auprès d'un homme qui s'appelle Georges et qui souhaite se suicider, qui est un ancien bagnard, donc qui ne voit pas de sens à sa vie. Et finalement, l'abbé Pierre, d'ailleurs, l'abbé Pierre, c'était un des pseudonymes qu'il utilisait durant la Deuxième Guerre mondiale comme résistant. L'abbé Pierre, finalement, lui dit, oui, c'est vrai, en fait, il ne lui dit pas, t'es malheureux, viens, je vais te donner un logement, je vais faire ceci, je vais faire cela pour toi. Au contraire, il l'interpelle à partir de sa misère propre. C'est-à-dire en lui disant, t'as rien, tu voudrais même quitter la vie, quitter le monde, mais viens avec moi, il y a d'autres gens plus malheureux, mets-toi finalement à leur service avec moi. Donc, c'est comme ça que, finalement, qu'il trouve son premier compagnon d'Emmaüs. Avec cette philosophie. Avec cette idée-là. Oui. Avec cette idée-là, finalement, de permettre aux plus démunis, aux plus pas juste de permettre, mais d'inviter, d'engager les plus pauvres, les plus démunis, finalement, à donner le peu ou le rien qu'ils ont. Et c'est le début, donc, de cette grande aventure des compagnons d'Emmaüs. Et puis arrive ce fameux appel du 1er février 1954. Paris engourdi dans le silence. Paris figé par le froid. La grande ville est semblable à ces animaux que l'hiver plonge dans une rigidité cataleptique. 15 degrés au-dessous de zéro. Dans la nuit, les passants frileux se hâtent. Et puis, il y a les autres. Les sans-logis, tous ceux que la misère réduit à dormir dehors. Tous ceux pour lesquels vient de s'élever la voix de l'abbé Pierre. Pour les chiens qui crèvent dehors, il y a une fourrière. Est-ce que pour nos frères et nos sœurs, il n'y aura rien? Les asiles sont pleins, nous a-t-on dit. Un brave homme d'agent à qui on disait... Mais vous ne pouvez pas les conduire quelque part, nous répondez. S'ils ne sont pas morts, nous n'avons pas de consigne. S'ils étaient morts, on appellerait la morgue. Mais pour les vivants, il n'y a pas de place. Alors, il faut que nous fassions quelque chose, tout de suite. Ce n'est pas possible que nous dormions tranquilles pendant qu'ils meurent dehors. Pendant qu'ils meurent dehors, comme cette femme expulsée de son logis et trouvée morte sur le pavé de Paris. Aidez-nous pour qu'on puisse... Mettre des tentes, des hangars, de la paille, leur donner une soupe chaude. Il n'est pas possible que nos frères vivent et meurent comme cela. Sinon, véritablement, nous sommes pires que des sauvages. Extrait d'un film d'actualité Pathé, réalisé en 1954. On entend l'abbé Pierre reprendre dans ce film donc certains passages de son appel du 1er février 1954. Que se passe-t-il donc, Catherine Foisy, ce 1er février 1954? Bien, l'abbé Pierre en a plein son casse, on pourrait dire en québécois. C'est-à-dire qu'il est réellement complètement dépassé par la cruauté puis le fait qu'on ne permette pas, qu'on donne pas aux plus pauvres, finalement, dans la société dans laquelle il évolue, qui est une société d'après-guerre, qui est une société où il y a de plus en plus d'outils sur le plan économique, une société qui est en croissance sur le plan financier. Donc, on ne leur permet pas, finalement, d'être logés. Oui. Bon. Et c'est quand même plusieurs millions, 7 millions de mal logés en France à l'époque. Au début de cette année-là, 54, il fait très froid. Dans la nuit du 3 au 4 janvier, il y a un bébé qui est retrouvé et qui est mort. Bon, donc ça, c'est le premier élément, ça sonne l'alarme. Ce sont des funérailles de honte nationale, ce ne sont pas des funérailles nationales. Mm-hmm. Entre-temps, le ministre ne fait rien, absolument rien, n'injecte aucun argent, ne change absolument pas les lois. Au contraire, durcit les lois à l'endroit des gens qui cherchent un lieu pour se réchauffer. Mm-hmm. Et donc, le décès de cette femme-là, l'amène avec ses compagnons à interpeller la conscience du peuple français, ouais. dans le fond. Parce que c'est réellement ça. Quand on l'écoute, on se dit, voilà, là, il interpelle non pas la loi, mais il interpelle la dimension, finalement, d'illégitimité, ouais. d'une certaine manière. Des questions de morale oui, publique. Tout à fait. Ouais. Il faut intervenir. Et ça va finir par marcher. L'État oui. français va traîner la patte, mais va finir par débloquer oui. pas mal d'argent et la création d'à peu près 12 000 logements là, tout à d'urgence. Fait. Oui. Ouais. Cette fois-là, il n'interpelle pas la loi. Parfois, il va le faire. Parfois, il va même recourir, il va même défier la loi pour mm-hmm. qu'elle change. On écoute un extrait. Il est à Montréal en 1955, l'abbé Pierre. Il est de passage à Montréal en 1955. On l'écoute nous parler de cette dimension-là. Ça nous en dit beaucoup. On vient tout de suite avec vous, ensuite, Catherine Foisy. Ça nous en dit beaucoup sur la profondeur de sa conviction et jusqu'où il est prêt à aller pour que les choses changent. Si c'est illégal et nécessaire, changez vos lois. J'aime mieux voir vivre ces gosses illégalement que de les voir mourir légalement. Au fond, nous faisons changer la loi par des actes, beaucoup plus que par des discours. J'ai dit souvent, la nuit où j'ai dormi sur les trottoirs de Paris, au milieu des pouilleux, des types qui couchaient dehors, à crever de froid, parce qu'il n'y avait plus de place chez nous, où j'avais embarqué tous ceux qu'on avait pu loger. J'ai passé la nuit sur le trottoir au milieu de ces gens-là, près du Panthéon, en plein cœur de Paris. Bien, je dis, cette nuit-là, par cet acte de fou, j'ai fait plus pour faire évoluer la politique française du logement que pendant les 7 ans où j'avais été député. À ce qu'on vient d'entendre, ça nous en dit beaucoup sur le bonhomme, sur l'abbé Pierre, sur son sens de la justice, la profondeur de son engagement, sa détermination aussi, Catherine Foisy. Oui, tout à fait. Puis, il faut comprendre là, ici que l'abbé Pierre, c'est un homme qui est prêt à défier, combattre les lois si elles ne sont pas légitimes oui. d'un point de vue moral. Et son repère du point de vue moral, ben, c'est l'Évangile. Il n'y en a pas d'autre. Mm-hmm. C'est pas un cahier de charges, c'est pas un autre cahier de loi. C'est réellement son oui. point de repère. Et si central. La loi des hommes ne correspond pas adéquatement à la moralité humaine, au oui. fond, ben, change la loi des hommes. Oui, tout à fait, absolument. Oui. Et il va prendre plein de chemins pour arriver à atteindre ses objectifs-là. Oui. Évidemment, et puis ça veut dire qu'il n'a pas peur de déranger, en fait, et il va souvent déranger à l'intérieur même de sa propre église. On l'écoute à nouveau, en bousculant l'ordre établi, on l'écoute à nouveau dans un extrait d'une conférence qu'il prononce, donc cette même année, en 1955, à Montréal. Relisons l'Évangile. À combien de ceux que nous aurons méprisés le Seigneur dira à entrer, pauvre fille de mauvaise vie, pauvre ivrogne du coin de la rue, c'est vrai, vous avez eu des vies horribles, pleines de mépris et de dégoût de vous-même et des autres, mais il leur dira le Seigneur, moi je suis juste. Et je sais qu'il y a eu un temps où vous aviez 20 ans, où vous étiez des garçons et des filles au cœur généreux, aussi enthousiastes et idéalistes que les autres, mais il n'y a eu personne pour vous ouvrir sa porte, le jour où avec un petit bébé vous vous êtes traîné parce qu'on ne voulait plus de vous dans les hôtels garnis. Et vous avez erré par les chemins allant, vous réfugiez chez les uns, chez les autres, chez les parents ou les beaux-parents. Et puis ça a mal marché, et puis finalement le ménage a craqué. Et puis de débine en débine, vous vous êtes laissé aller. Et vous êtes devenu ces pauvres épaves, cette pauvre écume d'humanité. Entrez, vous avez assez souffert. Les pécheurs et les pécheresses publiques vous précéderont dans le royaume des cieux, dit le Seigneur. Et après, à nous les gens distingués, le Seigneur dira, on en reparlera un peu plus tard s'il reste de la place. Et voyez-vous, c'est pas de la littérature, c'est l'Évangile tout cru, c'est l'Évangile mot à mot, c'est l'Évangile comme nous n'osons plus le dire, comme nous les prêtres, nous n'osons plus l'annoncer. Pourquoi? Parce que tous les gens distingués, tous les gens aisés, afin que leurs prêtres ne risquent pas de leur dire ces choses désagréables, Saint-Génie a donné à leurs prêtres une condition de vie assez bourgeoise pour qu'ils n'aient plus la possibilité de dire ces choses. C'est assez extraordinaire. Ça aussi, c'est très parlant, Catherine Foisy. Comment c'est reçu par sa hiérarchie, ce genre de discours? Comment il est perçu, l'abbé Pierre, par son Église? Bon, alors, c'est certain que on le catégorise comme un prêtre complètement atypique. Là, ici, on n'est pas dans des cas de figure où il ménage la chèvre et le chou. Son lit est fait. Mm-hmm. Son lit est clairement fait à gauche. Et on pourrait presque dire à l'extrême gauche du point de vue de l'Église catholique, particulièrement à l'époque. En même temps, c'est très proche, il le dit, du texte de l'Évangile, l'esprit de l'Évangile. Ce à quoi il s'attaque, c'est la bourgeoisie de la société dans son ensemble et de la hiérarchie, de la tête, de la pyramide de l'Église catholique. Tout à fait. En même temps, c'est assez particulier parce que quand Roncalli, qui va devenir Jean XXIII, le pape en 59, et nonce apostolique à Paris, il tisse beaucoup de liens avec Roncalli parce que Roncalli, veut travailler pour la réhabilitation de certains évêques qui étaient non pas résistants, mais plutôt collaborationnistes. Et bon, donc il y a des liens à ce moment-là. Et très rapidement, par contre, l'abbé Pierre va tisser des liens avec, entre autres, Dom Helder Camara, qui va être une figure proéminente du mouvement de la théologie de la libération. Ouais. Donc là, on voit clairement des accointances. Et c'est dans cette perspective-là qu'il va mener aussi ses combats. Mm-hmm. Et ce qui va déranger, évidemment, tout à fait. L'Église de Rome. Il va s'engager dans 1000 combats. Il va, à partir des années 50, il est à Montréal en 55, mais à partir des années 50, il voyage partout dans le monde. En quelques mots, comment résumer l'abbé Pierre militant, Catherine Foisy? L'abbé Pierre militant, c'est à la fois la perspective, on en a parlé plus tôt, de la promotion des idées fédéralistes, donc d'un gouvernement supranational qui représente réellement les droits et puis les prérogatives des peuples. C'est toute la question du logement qu'il va défendre durant toute sa vie. Et ça, on sait très bien que le logement, c'est le premier élément pour combattre la pauvreté. La question de la faim dans le monde, il va s'engager au niveau des droits, du droit d'asile, des sans-papiers en France. Il va soutenir des mouvements indépendantistes. Entre autres, il va rencontrer Habib Bourguiba, qui est finalement le père de la Tunisie moderne, qui devient indépendante en 56. Il va rencontrer Gandhi, il va travailler avec Albert Einstein au niveau de différentes organisations. Donc, c'est un homme qui réellement rayonne de beaucoup à l'extérieur de la France. Au final, comment mesurer l'héritage que nous laisse, le legs que nous laisse l'abbé Pierre? C'est-à-dire qu'il y a tout le mouvement Emmaüs international qui est donc né en France, mais qui a essaimé à travers le monde entier, qui est présent sur les 5 continents. Et je ne l'ai pas dit tantôt, mais c'est quand même important de souligner que le mouvement ne s'est pas appelé d'un autre nom, les Compagnons d'Emmaüs. Donc, quand on retourne à l'Évangile, ce sont finalement les hommes qui finalement rencontrent Jésus, mais sans le savoir. Et donc, à travers, finalement, le service des pauvres, bien là, c'est réellement d'être en mission, de donner des mains et des pieds à l'Évangile. Donc, je pense que ça, c'est ce que l'abbé Pierre a le plus apporté. Et puis, à travers ça, une dignité pour les plus pauvres. Ouais. Pas une prise en charge des pauvres, mais une capacité d'amener les pauvres à s'engager dans la transformation du monde. Catherine Foisy, c'était absolument fascinant. Merci beaucoup. Merci à vous. Catherine Foisy, professeure au département de sciences des religions de l'Université du Québec à Montréal. Merci également à Mathieu Beauchamp, à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et André Martineau, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Mathieu Arsenault, à la technique aujourd'hui Pierre Dulon. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.